głośniej, to głośniej. Daj, daj, daj, daj, to jeszcze mocniej. Wolniej, to wolniej, to wolniej. Jak to by lepiej, najwygodniej. Tak ci dobrze, bardzo mądrze. Co nie za dużo, to nie za dobrze. W zależności od twoich potrzeb. Zrób co należy do ciebie i dziach. Zrób to z klasą, pierdol strach. Stopa dudni, bak, bak, bak. Ukaja nerwy, jak ciątasz tak. Tak to idzie, czujesz brat? Hip-hop, klasy, kwan czy krank. Pusty beat, jak pusty plant. Nie zamalam ja, mam tu plan. Tak zwany mega bonus, slow down. Lesie rapi jak zimna golda. Polska tradycja, pani morda. Tu płyną wersy jak rzeka Odra. Dobra, dobra, tańcz jak kobra. Pod wpływem bitu wpadam w trans. Kminie hajs i obniżam zyski. To wolny biznes o dobrej kondycji. Wasze zdrowie, piję whisky. Mieszam rekwitu, moki lichu. Co ty mi tu, bez limitu. Ej, bez kitu, bez limitu. Więcej góry podkręć mi do bitu. Twardy styl, jak z granitu. Miejsca fu, uniżkę do bitu. Weź się zlituj, bez limitu. Rap do oczytu, bez limitu. Pas de mi-temps, non, pas de mi-temps. Quand je débite sur le beat, c'est trop puissant. Mista Don, le flow, la rime des titans. Que tu lyriques sans pépite, c'est trop kiffant. J'suis piquant d'un gros piment. J'te sors le full, les couleurs et le brûlant. Pose pas si t'es trop lent. Plat du rap, chaud bouillant, brûlant, tout est truant. Pas de mi-temps, j'accélère la cadence. Enchaîne les pas dans, sans accroc, pas de latence. Je ne laisse personne en chien, pas de carence. Accès limité tellement c'est intense. Pas de mi-temps, pas de freinage en urgence. Tout pour pas la réussite avec de la chance. Pas de limite quand j'milite avec insistance. Avec résistance, tout dans la persistance. Avec moi, tu rebondis sur le tempo. Tu n'as pas besoin de mémoire pour te rappeler mon pseudo. Mais la barre, oh, c'est le son qui soigne comme un garrot. Là, sur le carreau. C'est du rap sans limite, check l'original, pas ce qui limite. Pour eux, j'ai le flow qui décapite. Dynamite, la rime inédite. Le fulgure au point qui te les balance en orbite. Mista Don, la puissance exponentielle. J'ai pas de limite, non, non, sur un beat pareil. Plus fort que ce qui paraît ou quoi. Pas de limite, non, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, pas de mi-temps. Pas de limite, non, pas de mi-temps. Mais j'en écris tout, mon kiliku. Tente mi-tou, baisse le mi-tou. Hey, baisse qui tout, baisse le mi-tou. Vas-y, go report, catch me, de pitou. Fart des styles, yass granitou. Mais ta fou, on niche que le pitou. Vas-y, je l'itou, baisse le mi-tou. Rap de haut, tu tout, baisse le mi-tou. Mais j'en écris tout, mon kiliku. Tente mi-tou, baisse le mi-tou. Hey, baisse qui tout, baisse le mi-tou. Vas-y, go report, catch me, de pitou. Fart des styles, yass granitou. Mais ta fou, on niche que le pitou. Vas-y, je l'itou, baisse le mi-tou. Rap de haut, tu tout, baisse le mi-tou.